Il faut travailler. Oh! Ici, bas sur terre, la chose est claire, il faut travailler. Ici, bas sur terre, la chose est claire, il faut travailler. Merci. Welcome, merci beaucoup, welcome aboard. Bien bonsoir, bonne chance à Yellowknife. Good evening, good people of Yellowknife. There are some people don't understand French tonight. A lot, hein? Probably, a lot. Like, I try to explain in the language, the two, and probably sometime the three and the four and the fifth and the hamanaharizi. Okay. You know, the ici bas sur terre, la chose est claire, il faut travailler. Hein? Ah oui, down here on earth, it's crystal clear. We have to work, you know. And for tonight, it's pour ce soir. Et that's better, c'est beaucoup mieux. Ici bas sur terre, la chose est claire, il faut s'envoyer en l'air, n'est-ce pas? Okay. Oh, down here on earth, it's crystal clear. That's better of the party time, you know. Okay. OK, and now you're on the money. Ça vous tente de répondre à une chanson à l'épaule? Do you interesting for sing with us? OK. Un, deux, trois. Mon collet a une poule qui pond tous les matins. Sa ponte dans la cour à Martin. Et l'œil fait sa ponte dans la cour à Martin. Puis Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Tu n'entends pas mon langlire, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langlire, tu n'entends pas mon latin. Puis Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Puis il a fait une bonne sauce. And merci very much. De la prochaine chanson, n'est-ce pas? C'est un enchaînement, un medley, un pot-pourri, pour parler en bon français. Vous savez, la bottine existe depuis quand même bientôt 20 ans, non, n'est-ce pas? Et au cours de son existence, n'est-ce pas, il y a des pièces qui ont comme resté des pièces incontournables du répertoire. Et nous allons maintenant vous interpréter un pot-pourri de petites tunes, de vieilles tunes de la bottine souriante. And now, ladies and gentlemen, the Bottine Souriante, a very old group, you know. We the next years we celebrate the 20th anniversary, you know, and we have a very old, very well known tune, and it's that's all. Okay. M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, les zigazons, zinzon. C'est pas pire, c'est pas pire. On recommence ça. Okay. M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon.